Après avoir tout appris sur les débuts de Tesla, on va en savoir plus sur la fin de sa vie avec entre autres la transmission sans fil. Vous êtes dans Podcast Science 265, bienvenue. Salut à tous, alors effectif ultra réduit ce soir pour une émission finir sur Tesla. On a heureusement l'essentiel avec David, David Loureiro. Salut David. Salut Nico. Et sinon, moi-même finalement, pas de traces des autres. Peut-être qu'on va avoir un Robin qui passera avant la fin parce que ce serait cool qu'il vienne nous faire le pitch pour la semaine prochaine. Et sinon, ce sera tout. Et donc au programme ce soir, la fin du dossier sur Tesla, dossier fleuve, une quote, un petit pitch pour la dernière ou l'avant-dernière émission de la saison, et puis ce sera tout. Sur ce, à toi Pascal. À toi David. J'étais presque, c'était presque pas mal, sans coupure, sans bafouille. À toi. Ok, donc dans l'épisode précédent, on avait découvert Tesla, son enfance, son éducation, la création du moteur courant alternatif polyphasé, et puis un peu son moment d'apothéose avec l'usage de ses concepts pour dompter les chutes du Niagara. On avait déjà eu l'occasion d'explorer certains mythes autour de Tesla, notamment concernant l'invention du courant alternatif. Non, c'est pas lui qui l'a inventé. Lui, il a surtout inventé un moteur qui fonctionne sur le courant alternatif. Et il a déposé surtout les preuves en premier, dans un contexte où l'idée était déjà dans l'air, finalement. Donc après ce succès, Tesla est retourné à son laboratoire pour reprendre ses recherches, et notamment sur ce qui, après ce fameux moteur à courant alternatif, est devenu un peu son objectif, la transmission d'énergie sans fil. Mais il n'a pas travaillé que là-dessus. C'est un inventeur un peu prolifique, il a travaillé sur beaucoup de choses. En effet, après ses conférences en Europe, il a pu intégrer, en dehors de l'aspect transmission d'énergie sans fil, la partie aussi transmission de messages sans fil. Et son objectif, c'était de le faire à travers la Terre. Il a continué de faire des conférences entre fin 1892 et 1893 pour mettre en avant ses recherches et émerveiller le public. C'était vraiment un showman, comme on en avait parlé la dernière fois. À Philadelphie, puis à Saint-Louis aux États-Unis, il exploitait notamment ce fameux effet de peau, donc le fait qu'à haute fréquence, un courant alternatif ne se propage que au niveau de la peau, si on touche des électrodes. Et il passait grâce à ça pour un magicien, et il illuminait des ampoules et des tubes fluorescents, où il provoquait la création de gigantesques arcs électriques. Je vais vous envoyer une petite photo dans la chatroom, où on le voit notamment tenir une ampoule qui n'est pas connectée à un fil, mais uniquement à travers les champs électriques qu'il générait avec ses bobines Tesla. Dans la foulée de ses conférences, il reprit son système de plaques dont je vous avais parlé, donc ce que lui, plus tard, appela un peu l'ancêtre de la radio, du système à la base de la radio, et il était capable de recevoir de manière intermittente en fait, des signaux jusqu'à une distance de 2 km. Donc il arrivait à séparer ses plaques de 2 km. Mais c'était intermittent et il ne comprenait pas vraiment pourquoi, parce que, comme je l'avais dit, pour lui, en fait, le signal passait par le sol, par les courants à la Terre. Et en fait, il semble que son générateur électrique, qui lui permettait d'alimenter son système, il fonctionnait pas forcément toujours à la même vitesse de rotation, et donc les fréquences des ondes qu'il générait n'étaient pas fixes. Donc ça variait, et des fois, il n'y avait pas une synchronisation entre son système d'émission et de réception. Et donc, c'était de là que ça venait. Comme il avait mis... Il avait mis en son point pour son système pour répondre à une fréquence en particulier, il perdait le signal. Et en fait, pour arriver à y pallier, il a essayé de perfectionner ses systèmes électriques pour les rendre plus stables. Et il l'a fait en partie avec des systèmes d'oscillateurs mécaniques. Et il a notamment mis au point des systèmes générant des vibrations mécaniques à une certaine fréquence, qui pouvaient être utilisés pour, on va dire, soigner des pathologies médicales. À l'époque, on va dire, c'est un peu ce qu'Alan avait présenté sous forme de sérendipité. Il avait notamment fait tester ça par Mark Twain, qui était un de ses amis, on va dire, qui est venu le tester. Et en fait, l'histoire, la petite anecdote là-dessus, c'est que Donc Mark Twain montait sur une plaque qui vibrait, donc c'est des choses qu'on retrouve aujourd'hui soit dans des achats, soit dans des salles de muscu. Il est monté là-dessus, il a reconnu en effet les effets bénéfiques de tout ça, et puis en fait il s'est précipité aux toilettes pour accomplir ses besoins parce que la machine avait provoqué quelques mouvements intestinaux imprévus. Donc en fait, associé à ça, la légende, alors parce qu'il y a apparemment, bon, c'est moins vérifié, mais il aura accroché un de ses oscillateurs mécaniques à la structure de son laboratoire, et ça aurait provoqué un mini tremblement de terre, même s'il y a des forts doutes qui existent. En fait, l'idée derrière tout ça, c'est que son oscillateur vibrait en résonance avec la structure du bâtiment. Il faisait un peu comme pour la fameuse histoire des soldats qui marchent au pas à la fréquence de résonance d'un pont jusqu'à ce qu'il s'écroule. Donc cette résonance fait vibrer de plus en plus fort la structure jusqu'à ce qu'elle cède. Là, en l'occurrence, Tesla aurait arrêté son système avant que tout l'immeuble s'effondre. À cette époque-là, il répétait que les ondes électromagnétiques n'étaient pas capables de transporter l'information, et que pour lui, les expériences qu'il réalisait démontraient plutôt, ce dont j'avais parlé la dernière fois, cette idée de passage de courant à travers la Terre. Et en ce sens, en termes de transmission de messages, il allait vraiment dans une direction opposée à toutes les autres personnes qui travaillaient sur la radio, notamment Marconi, dont on parlera un peu plus tard, parce que lui, il essayait de maximiser le courant qui passait par la Terre et de diminuer un maximum les ondes électromagnétiques qu'il pouvait générer. Il voyait ça vraiment comme une perte. C'est-à-dire à cette époque qu'il développe son idée de pouvoir pomper de l'énergie dans la Terre et en récupérer énormément via la résonance. Alors, c'est vraiment... Tesla marchait vraiment par analogie. Donc, pour lui, en pompant un petit peu d'électricité, comme dans un orage, par exemple. Donc, pour lui, un orage, quand il y avait un éclair, ça déclenchait une grande chute de pluie. Et il voyait là-dedans le fait qu'une petite impulsion pouvait déclencher un grand résultat. Et puis, il pensait aussi que les effets de résonance pouvaient impliquer des résultats beaucoup plus importants que si on ne prenait pas en compte la fréquence propre du système. Donc, envoyer des vibrations, un courant, une oscillation aux fréquences propres d'un système, ça le faisait entrer en résonance, selon lui, et ça permettait d'augmenter l'énergie qu'on pouvait récupérer. Donc, en mixant un petit peu tout ça, il se disait que si on pouvait envoyer une impulsion à la fréquence de résonance de la Terre, on pouvait arriver à renforcer les impulsions, à travers les fréquences propres et la résonance, pour que à un certain endroit sur la Terre, une quantité importante d'énergie puisse être récupérée. Je vais vous montrer une autre image qui illustre bien ça, parce qu'il en a beaucoup parlé, notamment dans les journaux, et il est très friand de publicité dans les journaux. Et donc on remarque bien ces idées de pompage vraiment, et on fait sortir de l'énergie à distance. Mais si on revient aux travaux de Tesla, on se rend compte qu'il a essayé de breveter ses inventions, ses fameux oscillateurs, et il a essayé, un peu comme il avait fait pour le moteur à courant alternatif, de tenter la même approche, c'est-à-dire de déposer des brevets, d'en faire la promotion et ensuite de trouver une société qui puisse fabriquer ses inventions et à qui il aurait licencié ses brevets. Il a cherché à se rapprocher du gratin new-yorkais pour entrer en contact avec des investisseurs, avec la presse, dans cette optique, et il y est arrivé de manière plutôt successful. Ça lui a permis de faire pas mal de pubs de ses inventions dans les journaux et de trouver des fonds pour les développer. Donc pour une nouvelle entreprise, il s'est associé de nouveau à Alfred Brown, avec qui il s'était associé dans un premier temps pour cette société autour de ses moteurs à courant alternatif, mais pas avec Peck, donc le deuxième larron avec qui il avait monté la première Tesla Electrical Company, qui était mort en 1890. Et à côté de Brown, il s'est associé à Adams, donc la personne qui était le promoteur des générateurs autour des chutes du Niagara, donc c'est la personne qui avait poussé ce projet d'électrifier les chutes du Niagara, entre guillemets. Donc Adams finançait la société et il aidait à trouver d'autres investisseurs. Malheureusement, c'est tombé à une époque plutôt noire pour la finance aux États-Unis, parce qu'en 1893, il y a eu une grande crise financière, et malgré les efforts de Brown et Adams pour trouver des investisseurs, et de Tesla, parce que lui cherchait vraiment à faire un maximum de pubs dans la presse et de conférences toutes plus extravagantes les unes que les autres, ce fut un échec cuisant, du point de vue business, parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres investisseurs et ils n'ont pas trouvé de société souhaitant acquérir ces brevets. Donc ça n'a pas empêché, bien sûr, Tesla de continuer ses recherches par ailleurs. Malheureusement, ces recherches ont été arrêtées de manière un peu abrupte parce qu'en 1895, son laboratoire prit feu le 13 mars et Tesla n'avait pas pris d'assurance pour son labo, donc il a tout perdu, argent, installation, matériel et notamment tous les travaux qu'il avait pu mener. Il a emménagé dans un nouveau laboratoire sur une autre à New York toujours, sur une qui s'appelle Houston Street. Et en 1895, il entendit parler d'une grande découverte d'un certain Röntgen. Donc, pour ceux qui savent de quoi il s'agit, c'est les rayons X. Donc, à cette époque, Röntgen a publié cette découverte. Et en fait, en découvrant ses travaux, Tesla fait un peu comme ce qu'il avait fait habituellement. Il a cherché à reproduire ses expériences pour mieux les comprendre, mais aussi voir de quelle manière est-ce qu'il pouvait les reproduire et peut-être envisager des exploitations commerciales. Sauf qu'en fait, il s'est vite rendu compte que les résultats de Röntgen, ça lui faisait penser à quelque chose. En fait, il avait fait réaliser des clichés de Mark Twain dans son labo, et il utilisait des tubes Geissler, donc c'est des pour illuminer les photos. Et en fait, ces tubes Geissler, ils produisaient des rayons X, il ne le savait pas. Et en fait, il comprenait pas pourquoi est-ce que sur les plaques photographiques se trouvait imprimé en fait une partie du mécanisme de l'appareil photo et pas Mark Twain. Certains estiment en fait, comme Margaret Cheney, que c'est la preuve que Tesla aurait découvert les rayons X en premier. Il me semble clairement pas que ce soit le cas, parce que si Tesla en aurait été le découvreur, il en aurait parlé. Il en aurait parlé dans la presse, il l'aurait publié, c'était vraiment son trip à l'époque, comme il pouvait le faire sur d'autres sujets. Et c'est d'autant plus vrai qu'apparemment, en plus, il n'a jamais réclamé la paternité des rayons X. Et il aurait même reconnu que, bon, bah voilà, oui, il avait remarqué des choses qu'il n'a pas compris. Et c'est qu'a posteriori qu'il se serait rendu compte que c'était des rayons X. Alors par la suite, il a réalisé d'autres expériences autour des rayons X. Donc il prétendait pouvoir faire des images d'objets à très grande distance. Donc à l'époque, comme il ne se rendait pas compte, alors lui autant que les autres, Edison a aussi fait beaucoup d'expériences sur les rayons X à l'époque, comme il ne se rendait pas compte de la dangerosité de ce qu'il faisait, les mecs ils se balançaient des doses assez importantes de rayons X directement dans la tronche. Ça n'empêche pas que ils se sont rendu compte quand même à bout d'un moment qu'ils avaient des brûlures qu'ils ressentaient assez fortes. Ils ont fait le lien et en fait Tesla a assez rapidement abandonné les recherches autour des rayons X. Selon Bernard Carlson, un de ses biographes, ça peut être parce qu'il n'a pas trouvé de débouché, mais aussi parce que potentiellement les seules entreprises qui étaient susceptibles d'avoir les appareils industriels capables de d'écouler ce type de matériel, en fait, c'était des concurrents, notamment des sociétés comme autour de General Electric. À la suite de ses recherches, il a cherché aussi à développer ce qu'il appelait la téléautomatique. C'est une idée qu'il avait depuis longtemps en tête, alors je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Il avait cette idée notamment parce que pour lui, les humains étaient des automates qui réagissaient à des stimuli externes. Apparemment, il n'a jamais trop cru dans les histoires d'âmes, etc. Il était vraiment dans ce trip-là. Déjà, à l'époque, quand il était passé par Prague, c'est des idées qu'il avait. C'est un peu dans la suite d'un cours qu'il a eu là-bas, d'un certain Karl Stumpf, où il eut cet enseignement du principe de l'esprit en tant que table rase, où rien n'est inné, tout n'est que réponse à des stimuli des sens. Et en fait, c'est un concept qui a accompagné Tesla tout au long de sa vie, parce que même dans son autobiographie, il en parle vraiment de cette idée que tout ce qu'on vit, toutes nos réactions ne sont liées qu'à des stimuli. Et d'ailleurs, j'en avais parlé dans le précédent épisode, notamment pour cette histoire de prémonition qu'il avait eue sur la mort de sa mère, où après de grandes réflexions, soi-disant, il aurait pu comprendre que ça venait de choses qu'il avait vues et que peut-être ceci amenant cela. Il était arrivé à avoir cette idée plutôt plus ou moins prémonitoire. Donc, basé sur ces idées, ces analogies, il pensait qu'il était possible de développer des robots qui puissent être aussi réalistes que les humains dans leurs réactions. Donc il a cherché à mettre en application un peu cette idée, et entre 1897 et 99, il décida de mettre en place un robot sous forme de bateau, sans humain à bord, qui pourrait être utilisé à distance, comme une torpille dans les guerres, par exemple. Notamment à cette époque, à partir d'avril de 1898, il y avait une guerre maritime entre les États-Unis et l'Espagne. Je vais montrer une autre une image justement de ce fameux robot, entre guillemets, ce bateau torpille qu'il mit au point. Il a fait une démonstration, notamment pour un certain JP Morgan, dont vous avez sûrement dû entendre parler un jour, le fameux homme d'affaires dont la banque est liée au problème des subprimes il y a quelques années, donc James P. Pierpont Morgan, et Hammond, un homme d'affaires impliqué dans la marine. Ce dernier souhaitait investir dans le développement de cette technologie, et donc Tesla y continua ses travaux. Il en construisit un exemplaire plus grand et il déposa un brevet fin 1898. Donc il envisagea aussi, pour les aspects de sécurité, de diffuser en fait deux signaux qui, uniquement s'ils étaient présents, pouvaient activer son bateau. Pour certains, ça c'est la prémisse d'une porte logique, même si bien sûr à l'époque il n'appelait pas ça comme ça. Donc il a déposé un brevet là-dessus, vous pourrez trouver dans les références si vous avez envie d'aller voir. Donc il en a fait une démonstration en mai 1898. La foule était conquise, notamment parce qu'en fait il jouait un peu avec la foule, donc il posait des questions à la foule, il demandait à la foule de poser des questions, et avec son bateau il allumait une petite lampe une ou deux fois pour y répondre, et donc les gens étaient impressionnés. Toujours un peu ce Tesla magicien qu'on retrouve encore ici. Malheureusement, l'invention ne fut jamais développée commercialement par la marine américaine. Et en fait, c'est pas juste Tesla, parce qu'à cette époque-là, l'armée avait cherché à se renseigner sur plein d'inventions, notamment Edison aussi avait soumis un certain nombre d'inventions, mais en fait, peu, voire quasiment aucune ne furent retenues, notamment pas celle de Tesla. Ce travail sur ce qu'il appelait la téléautomatique ne l'empêchait pas de continuer ses recherches sur la transmission d'énergie sans fil, bien sûr. Dans la foulée de ses travaux sur le courant à travers la Terre, il a cherché aussi à voir de quelle manière il pouvait fermer, de la manière la plus efficace, le circuit électrique qu'il pensait former avec son courant de Terre. Donc il avait vraiment une vision électricienne des choses. Comme je disais, pour lui, les ondes électromagnétiques ne pouvaient pas transmettre de puissance, d'énergie. Et donc ses travaux sur les tubes fluorescents, où il les illuminait en faisant un vide poussé dans l'intérieur, ça lui a permis d'arriver à la conclusion qu'en fait il pouvait utiliser l'air raréfié de la haute atmosphère pour conduire de l'électricité. Donc, voilà, un peu comme d'habitude, il avait cette analogie-là. En faisant un vide poussé dans les tubes fluorescents et en faisant passer du courant, il arrivait à les illuminer, donc peut-être que l'air raréfié de la haute atmosphère pouvait lui permettre de faire la même chose et donc de fermer ce circuit. Et donc, afin de poursuivre ses recherches, oui, ça lui coûtait pas mal d'argent, d'autant plus qu'il avait toujours plein d'idées en même temps, il s'associa à un riche homme d'affaires, John Jacob Astor, qui accepta d'investir 100 000 dollars dans sa société. Donc en fait, ce gars-là, peut-être que vous le connaissez, parce qu'en fait, il y a un hôtel très connu aux États-Unis qui s'appelle le Waldorf Astoria. Donc Astoria, c'est pour Astor, dont il était le propriétaire. Voilà. Il faut voir que Tesla, il devait avancer sur tout ça et mettre en application les recherches qu'il menait sur ces différents sujets depuis quelques temps, parce que pendant qu'il développait ses idées aux États-Unis, un certain Guglielmo Marconi, en Europe, dans la suite un peu de Hertz, tentait d'utiliser les ondes électromagnétiques pour envoyer des messages. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu à quoi ressemble Guglielmo Marconi. J'ai une petite photo de lui devant un système qu'il avait mis en place avec un récepteur, un émetteur et un récepteur. Et donc, les travaux de Marconi en fait fonctionnaient avec succès. Il y arrivait entre 1898 et 1899. Marconi est arrivé à étendre la portée de ses instruments, notamment jusqu'à ce qu'en mars 1899, il arrive à transmettre un message à travers la Manche. Donc Tesla, il commençait un peu à sentir le vent tourner entre le dénigrement des travaux de Marconi qu'il faisait dans la presse et des prétentions assez surréalistes qu'il balançait à tout va sur la transmission de messages de par le monde. Il se lança dans la mise au point d'un système de communication sans fil à l'échelle mondiale afin de montrer que c'était lui un peu le chef, quoi. Et donc ça, il allait le faire au Colorado. donc au Colorado, son objectif avec l'installation qu'il fit en mai 1899 à Colorado Springs, c'était de s'assurer de sa capacité de transmettre des courants à travers la Terre et de les faire revenir dans l'atmosphère vers n'importe quel point. Donc la construction qu'il fit réaliser fut d'ailleurs la plus grande bobine Tesla construite, avec à peu près une quinzaine de mètres de haut. Donc, j'ai une image à vous faire passer. Donc c'est en fait son laboratoire de Colorado Springs en cours de construction. Donc durant sa présence à Colorado Springs, il semble avoir découvert pendant un orage des ondes électriques stationnaires dans la croûte terrestre. Alors qu'est-ce que c'est des ondes stationnaires? En fait, c'est des ondes qui apparaissent quand deux ondes de même fréquence et même amplitude, en sens opposé, forment des fois un point fixe dans le temps. On parle de nœuds des fois. En fait, il pensait que cela pouvait dire que la Terre était un conducteur de taille limitée, et qu'avec ce principe, il pouvait avoir un rayon d'impact bien plus grand parce qu'il pouvait, selon lui, transmettre de l'énergie jusqu'à ses nœuds. Donc, j'ai une autre image pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, ces histoires d'ondes stationnaires et de nœuds. Au cours de ses travaux, il pensa d'ailleurs recevoir, en juillet 1899, un signal provenant de l'espace. Donc dans un premier temps, histoire de ne pas se ridiculiser, il a quand même tenté de disqualifier tout un tas d'hypothèses qui pourraient faire que c'était des signaux qui étaient terrestres. Mais au final, en fait, il en arrivait à la conclusion que ça ne pouvait pas être terrestre et qu'il devait provenir de Mars parce qu'il l'avait vu présente dans le ciel ce jour-là. Alors à l'époque, Mars, c'était un peu la vedette des planètes, hein, entre Schiaparelli et ses canaux, et puis Lovell qui avait annoncé qu'il y avait de la vie intelligente sur Mars. Ça pouvait faire sens pour Tesla. D'ailleurs, dans ce cadre-là, j'ai une jolie image de ces fameux la géographie de Mars selon Schiaparelli. Donc, les mecs, ils étaient à fond hein, sur Mars à l'époque. C'était vraiment ça. Si tu voulais être dans le vent, il fallait parler de Mars. Donc, en fait, vous devez vous demander un peu en fait de quoi il s'agissait réellement. Est-ce qu'il a effectivement reçu un signal venant d'espace, etc. Alors il y a des gens qui ont tenté de reproduire un peu son installation et de regarder un peu avec des outils qui permettent de simuler le ciel nocturne à l'époque, ce qu'il pouvait y avoir. Et donc les personnes qui ont testé semblent plutôt aller vers l'émission de signaux d'une des lunes de Jupiter qui s'appelle Io. En fait, il semble que Io passe parfois dans un anneau de particules chargées autour de Jupiter et que ça peut provoquer l'émission de signaux. Et apparemment, Jupiter était pas loin en fait de Mars dans le ciel. Et donc, Tesla, a priori, aurait reçu un signal qui, en effet, n'était pas terrestre, mais a priori, qui ne venait pas de Mars et qui ne révélait aucune intelligence, quoi. Mais, donc voilà. Si on en revient à la tour de Tesla, en fait, une fois qu'elle fut finie d'être construite, il a entrepris divers tests de ses concepts. Le problème avec les expériences qu'il a réalisées là-bas, c'est que... Alors, on a des carnets de notes hein, qui décrivent à peu près ce qu'il faisait là-bas, mais il les faisait majoritairement sans témoin, direct, en fait, autre que lui-même. Et à la différence de Marconi, qui, à cette époque-là, faisait toutes ses démonstrations en public, les témoignages de ses assistants, donc notamment un certain Fritz Löwenstein, pointent vers le fait que Tesla voulait vraiment être celui qui voyait les phénomènes se passer. Donc lui sortait de son labo pour aller observer les phénomènes à distance et il demandait à son assistant, donc en l'occurrence Fritz Löwenstein, d'activer les machines au sein du labo et d'être présent près de la machine pour que Tesla puisse lui donner des ordres à réaliser. Alors une des prétentions de Tesla, c'était notamment de pouvoir allumer à distance plein d'ampoules. C'est notamment quelque chose qu'on retrouve dans le film Le Prestige. Donc pour ceux qui l'ont vu, il y a un passage où on voit Hugh Jackman, je crois, et puis une personne, je ne sais plus qui c'est. On ne voit pas bien, je crois, sur l'image que vous pouvez voir. C'est un de ses assistants, je crois, soi-disant de Tesla. Où on voit voilà, un terrain rempli... rempli d'ampoules allumées. Et donc, en fait, dans le film, on voit, alors je sais plus si assistant Hugh Jackman, lever cette ampoule comme ça et la tenir en l'air et voir qu'elle n'est pas allumée. Et donc, ça transmet cette idée que, soi-disant, Tesla était capable d'allumer à distance des ampoules. En fait, a priori, non. Il y a d'autres expériences qui ont été réalisées récemment où c'est très compliqué d'envoyer de l'énergie comme ça à très grande distance. Pour Tesla, en fait, à partir du moment où il avait pu tester son principe à courte distance, il avait un peu cette idée, toujours dans cette optique, qu'il pouvait tout imaginer dans sa tête. À partir du moment où il imaginait dans sa tête, ça marchait. S'il avait testé à courte distance, c'était bon, ça marchait aussi à longue distance. Parce qu'il pensait que ça, tout ça se transmettait sans fil, sans dissipation, plus vite que la vitesse de la lumière, etc. Et donc, une photo d'ailleurs qui est plutôt connue de Tesla, vous l'avez sûrement déjà vue, c'est cette photo où on le voit assis dans une chaise en train de lire un livre au milieu de bobines générant des arcs électriques gigantesques. C'est une photo qui est relativement connue. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une photo qui a été réalisée en double exposition. Donc en fait, Tesla ne se tenait bien entendu pas au milieu de son installation avec des arcs électriques gigantesques. Voilà. C'était vraiment toujours dans cette optique un peu, je dirais, de showman. Voilà, voilà un peu ce que ça pouvait donner les travaux de Tesla. Autre chose qu'il aurait prétendu à l'époque, c'était de pouvoir produire de la foudre en boule. Il en parle notamment en janvier 1900. Alors malheureusement, autant d'après Bernard Carlson que Steven Novella, il n'y a pas vraiment de consensus là-dessus, déjà scientifique, ne serait-ce que sur la possibilité physique que ça soit possible d'en produire. Comme je disais, Steven Novella, en fait, c'est un point aussi qu'il aborde dans un de ses épisodes, donc c'est Skeptoid, son podcast, sur le culte voué à Tesla dans les milieux New Age. Toujours est-il que bon, Tesla pensait être arrivé à l'aboutissement de ses recherches, donc il pensait avoir été capable de transmettre de l'énergie sans fil à distance, et que pour lui, voilà, il avait obtenu suffisamment de preuves qui allaient dans le sens de ses hypothèses pour envisager une application industrielle de tout ça. Alors bien sûr, vers n'importe quel point du globe, à une vitesse quasiment instantanée, sans diminution notable de puissance, assez loin de ce que la science basée sur des faits et reproduite pourrait dire aujourd'hui. En fait. Donc un peu comme en 1887, avec son moteur, il voulait trouver des investisseurs pour financer le développement, on va dire, d'un prototype grandeur nature de tout ça, des idées qu'il avait pu faire à Colorado Springs, pour arriver à trouver une entreprise qui puisse acheter son idée. Donc il a continué au cours de cette époque, d'abreuver les journaux de déclarations toujours plus fantaisistes. Il avait fait notamment un article très philosophique, pour pas dire autre chose, sur la façon d'augmenter l'énergie de l'humanité, donc vous imaginez ce que ça peut être, qu'il a publié dans le magazine Century. Il connaissait un des membres influents, qui était un de ses bons amis. Où il expliquait aussi, alors, dans les prétentions de Tesla et les choses un peu farfelues qu'il racontait à l'époque, que grâce à la glace, il pouvait permettre de mieux transmettre jusqu'à Londres de l'électricité produite aux chutes du Niagara. Et en fait, quand il expliquait qu'il pouvait transmettre des messages à l'autre bout du monde afin d'attirer les investisseurs, bah, Marconi réfutait ses affirmations avec, je dirais, un peu plus de preuves et de démonstrations en public. C'est sur la fin de 1900 qu'il arriva à rencontrer donc, le fameux James Pierpont Morgan pour lui parler de ses plans-là, donc en dehors de son histoire de bateau, de sa volonté de transmettre de l'énergie sans fil, de ses expériences à Colorado Springs. Et entre le potentiel usage que Morgan pouvait en faire, dans le cadre de ses activités financières, donc voilà, du courtage en bourse à distance, la transmission d'informations dans le cadre de ses entreprises, et les arguments de Tesla en termes de brevets, apparemment il arrivait à le convaincre d'investir. Et donc Morgan, il conclut de fournir 150 000 dollars à Tesla en échange de 51% de ses parts dans l'entreprise. Les sources ont l'air d'être un peu divergentes là-dessus, mais apparemment, Tesla aurait proposé. En fait, c'est Tesla qui aurait proposé à Morgan de prendre 51% des parts de l'entreprise. Donc Tesla, il s'est mis à travailler à partir de 1901 à la construction de sa fameuse tour de Warden Cliff, qui était à Long Island. Donc j'ai une petite image qui vous montre la construction de la tour, enfin, ce que c'était pendant sa construction. Donc c'était vraiment une tour qu'il voyait assez gigantesque. Hein. Mais en fait, ça s'est pas passé comme prévu. Un peu tout, comme toujours avec Tesla, il avait vraiment vu trop grand. En fait, pour calculer la puissance de sa tour et donc sa taille, la quantité de la taille du dôme qu'il avait en haut de la tour, etc., il s'était basé sur l'expérience qu'il avait réalisée à Colorado Springs. Et d'après ses calculs, il devait exploiter des ondes stationnaires autour de la Terre à une fréquence de 6 Hz. Alors pourquoi je vous parle de cette histoire de fréquence de 6 Hz autour de la Terre ? C'est parce qu'en fait, en 1950, un certain Schumann a théorisé l'existence d'une fréquence de résonance pour des ondes qui se propageraient entre la haute atmosphère et le sol. Donc des choses qui ressemblent un peu à ce que disait Tesla, alors que bon, lui, c'était vraiment dans la croûte terrestre. Et en fait, en 1960, c'est des ondes qui furent observées expérimentalement. Ce qu'il veut dire par là, c'est que la couche entre la haute atmosphère et la croûte terrestre faisait ce qui s'appelle un guide d'ondes, donc les ondes propageaient là-dedans et rebondissaient entre la croûte et puis la haute atmosphère. Et donc, en fait, on s'est mis à parler de résonance de Schumann. Et donc, comme ces ondes ont une fréquence entre 7 et 8 Hz, certains n'hésitent pas à dire que Tesla avait déjà découvert ce phénomène bien avant Schumann. Et apparemment, alors j'ai cru comprendre par-ci par-là sur Internet que certains appellent même ça la résonance de Schumann-Tesla. Bon. Donc, pourquoi est-ce que Tesla avait vu grand, pour revenir sur le site hors de tour? Parce qu'en fait, il n'avait pas estimé correctement les coûts induits par la tour, la taille, la structure, tout le cuivre dont il avait besoin. Et ça, entre ces problèmes-là, tous les équipements qui lui étaient nécessaires, les dizaines, voire centaines de salariés dont il avait besoin pour faire fonctionner son laboratoire, ses équipements, et puis ses relations très compliquées avec Morgan, il a eu vraiment du mal à avancer. Alors, pour comprendre à quel point les relations que Tesla entretenait avec Morgan étaient compliquées, il faut voir que Mark Cipher, dans sa bio, reprend des lettres que Tesla lui a envoyées, et c'est vraiment très très hallucinant. Il y en a certaines où Tesla glorifie Morgan, dit que c'est le financier le plus avisé de la planète, et dans la suivante il lui dit que grosso modo c'est un salaud parce qu'il lui répond pas, quoi, et que pourtant grâce à lui il pourrait changer le monde, etc. Enfin, c'est je sais pas s'il était pas lunatique, mais bon, voilà, il était dans une période un peu compliquée. Surtout que de son côté, Marconi continuait à développer son idée de pouvoir transmettre des signaux par-delà l'Atlantique, qui, comme j'avais dit, il l'avait déjà fait par-delà la Manche. Et donc, entre le dépôt de brevets, la construction d'antennes géantes, il est arrivé effectivement à le faire en décembre 1901 entre le Newfoundland au Canada et l'Angleterre. Alors, l'histoire de tout ça, c'est un peu idéalisé la façon dont je viens de le raconter, notamment là sur Marconi et son histoire de transmission, parce qu'en fait, à l'époque, il y avait un peu de scepticisme sur la réalité du message que Marconi avait transmis, parce que il semble que les seules personnes à l'avoir entendu, c'était Marconi et son assistant. Et alors, pourquoi est-ce qu'il y a du scepticisme? Parce que comme cette histoire de résonance de Schumann, blablabla, tout ça, ça n'avait pas été découvert à ce moment-là, donc on parle de 1901, personne pensait que les ondes pouvaient effectivement voyager entre ces deux points à cause de la rotondité de la Terre. Pour eux, ça se propageait en ligne droite et ça partait dans l'espace. Mais en fait, il y avait des experts qui avaient envie d'y croire. Et en fait, la presse a relayé toutes ces choses-là. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'en fait, Tesla, à force de balancer dans la presse qu'il pouvait le faire, qu'il allait tout révolutionner, finalement, cette réalisation de Marconi, elle semblait pertinente pour tous ceux qui écoutaient aussi un peu Tesla et qui disaient que c'était possible. Et en fait, Marconi a fait une deuxième démonstration publique, celle-ci, qu'il a réalisée sur un bateau qui voyageait entre l'Angleterre et l'Amérique, et qui a vraiment fini de convaincre que c'était vraiment possible et que c'était vraiment faisable. Donc, finalement, Tesla a un peu aidé Marconi là-dedans à vaincre finalement le scepticisme qui était de rigueur sur la première annonce qu'il avait fait. Tesla, de son côté, comme je l'ai dit, était un peu à court d'argent à cause de tous ses problèmes financiers, et il n'arrêtait pas d'envoyer des lettres à Morgan pour qu'il continue à investir. Mais Morgan, en fait, il a décidé en 1893 de mettre un terme à son travail avec Tesla. Malheureusement, le fait que Morgan possède 51% de son entreprise, ça a un peu fait fuir tous les investisseurs potentiels, parce que si Morgan ne souhaitait pas continuer, bah, potentiellement l'argent investi pouvait être investi pour rien. Tous ces échecs firent tomber Tesla en dépression en 1906 et lui firent abandonner tous ses travaux de Warden Cliff. Et à vrai dire, Warden Cliff, en fait, ce fut un peu la fin de tous ses travaux sur cette grande idée qu'il a eue pendant toutes ces années de transmission d'énergie sans fil. C'est vraiment sa fin, la fin de tous ses travaux autour de l'électricité, etc. Donc en fait, ensuite, en récupérant un peu de son nervous breakdown, il a cherché à se tourner vers le développement de composants mécaniques. Et afin de pouvoir satisfaire sa volonté de voler, qu'il avait depuis tout enfant, il a souhaité développer un nouveau type de turbine. L'idée de cette turbine, c'était que la viscosité de l'air, donc la résistance un peu au déplacement d'un fluide, grosso modo, ça pouvait être utilisé pour faire tourner des disques qui étaient attachés à l'axe. Donc j'ai une petite image pour vous expliquer un peu plus en détail comment ça marche. Donc son idée, c'était que il avait des disques étaient accrochés sur un axe avec de l'air qui rentrait dans des tubes et qui en fait faisait, à cause de la viscosité de l'air, tourner les disques et l'axe. Donc ça, c'est différent des turbines classiques, parce que dans les turbines classiques, en fait, ce sont des pales qui sont entraînées, qui mettent en mouvement l'axe, en fait. Donc il a mis au point un prototype à travers une nouvelle société. Il en a fait la démonstration en 1911 et en 1912. Mais malheureusement, on va dire, la notion et l'intérêt du système n'a pas été vraiment probant pour les gens à qui il a pu le faire démontrer. Et ce fut encore un échec cuisant. Le fils de J.P. Morgan avait investi un peu en 1913, mais personne ne vit d'intérêt dans ce système, notamment parce que ce qu'il y a, c'est qu'il était incapable de supporter en fait de fortes charges, de fortes vitesses de rotation. Alors c'est vrai qu'il y a une ou deux sociétés qui les ont commercialisées, mais ça reste très loin d'un usage à l'échelle industrielle. Et aujourd'hui, si vous regardez dans l'industrie, toutes les turbines sont sur ce principe de pales qu'on fait tourner. Et voilà, donc un autre échec un peu de Tesla. Donc en dehors du fait que Marconi reçut en 1909 le prix Nobel en reconnaissance de ses travaux autour de la télégraphie sans fil, donc Tesla devait l'avoir mauvaise quand même, c'est une autre affaire étrange qui a impliqué Tesla, Edison et le comité Nobel. En fait, le New York Times aurait prétendu que Tesla et Edison devaient recevoir le prix Nobel en 1909. Donc Tesla et Edison, ils ont été interrogés voilà, après cette publication. Donc ils disaient qu'ils n'avaient pas été prévenus. Voilà. Mais en fait, c'est pas ce qui s'est passé du tout. Parce que si vous regardez l'historique des prix Nobel, en fait, c'est pas à eux que ça a été décerné, c'est au père et fils Bragg pour l'analyse de la structure des cristaux grâce aux rayons X. Alors il y a des histoires qui courent, toutes aussi peu validées que les unes que les autres, qui disent que par exemple voilà, Tesla et Edison auraient chacun refusé de recevoir le prix Nobel parce qu'ils ne voulaient pas le recevoir en même temps que l'autre. Mais bon, il n'y a rien qui appuie cette thèse, et puis en plus a priori, en fait, c'est pas du genre du comité Nobel d'annoncer ça comme ça. Toujours est-il que Tesla reçut en 1916 la médaille d'honneur de l'American Institution for Electrical Engineering. Alors au départ, il ne voulait pas la recevoir, parce qu'en fait, c'est une médaille qui est aussi appelée la médaille Edison. Et en fait, il ne voulait pas que ses réalisations soient associées au nom d'Edison. Mais le lobbying du président de la IEE fit son effet et il accepta de la recevoir. Donc toujours un peu dans son style, en fait, ce que retient l'histoire, c'est que peu de temps avant que la médaille lui soit remise et que Tesla se fasse son discours, il a disparu de la salle de réception et du bâtiment, en fait, un peu au grand désarroi des organisateurs qui sont un peu partis affolés à sa poursuite aux alentours. Et en fait, ils l'ont retrouvé plusieurs minutes plus tard dans un parc non loin, en train de jeter de la nourriture pour pigeons avec plein de pigeons autour de lui. Donc je parlerai un petit peu de cette histoire de pigeons, parce que c'est aussi un truc qu'il y a avec Tesla, c'est qu'il kiffait les pigeons. À cette époque-là, Tesla il se montrait très suspicieux, pour ne pas dire plus, concernant la théorie de la relativité générale qu'Einstein avait théorisée. Il avait ses idées sur la question, et pour lui, même quelques années plus tard, cette histoire de notion de courbure de l'espace-temps, pour lui, c'était une grosse bévue de la part d'Einstein, parce que c'était complètement impossible. Bon, en l'occurrence, Tesla s'était un peu trompé sur la question. Dans les années qui suivirent, il y a un certain nombre de procès qui ont été intentés contre Marconi ou par Marconi, dans le cas des brevets sur les bases de la radio. Voilà, pour en réclamer la paternité. Donc Marconi avait déposé en fait des brevets aux États-Unis sur les concepts de la radio, alors qu'il y avait déjà des brevets de Tesla a priori qui reprenaient un peu ces systèmes-là. Et c'est pas avant 1935 que la paternité de Tesla fut reconnue par les tribunaux américains. Donc, j'imagine qu'un peu comme moi, vous aviez tous entendu que Marconi avait inventé la radio. Faut pas se méprendre. Marconi, il a reconnu qu'il utilisait des inventions de Tesla, notamment ce fameux oscillateur de Tesla pour avoir des fréquences importantes et puis générer des hautes tensions. Et certes, les brevets de base étaient au nom de Tesla, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est quand même surtout Marconi et des hommes comme Fessenden ou De Forest qui firent la promotion du développement et le développement économique de la radio, qui mirent au point certaines inventions cruciales pour son usage vraiment dans un cas industriel, pour qu'on puisse en disposer, on va dire, dans les maisons, qu'on puisse avoir de l'émission à distance, avoir des sons clairs, etc. quoi. D'ailleurs, la société que Marconi avait créée aux États-Unis pour vendre ses radios, c'est devenu en fait une société que vous connaissez peut-être, qui s'appelle RCA. Donc c'est comme ça qu'elle a été renommée par la suite. J'ai parlé de Warden Cliff, c'est une histoire en fait... qui se finit pas, qui s'est pas fini, on va dire, complètement au moment où Tesla a fait sa dépression. Elle s'est vraiment finie en 1917, quand en fait la tour fut détruite. Alors, elle fut détruite notamment parce que, en fait, si vous réfléchissez bien, 1917, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il y avait des histoires, il y a eu tout un tas de rumeurs selon lesquelles il y avait des espions allemands qui s'en servaient. Ou, voilà, bon. En tout cas, la tour fut détruite à ce moment-là. Et en 1921, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la propriété du terrain où la tour était construite, elle a été transmise à John Jacob Astor, donc le propriétaire du Waldorf Astoria, en paiement de notes d'hôtel qui n'avait jamais réglé Tesla. Parce que Tesla, à l'époque, il allait d'hôtel en hôtel à chaque fois jeté parce qu'il ne payait pas ses notes. Et un peu tous ces déboires, ces histoires de procès, ces bévues, enfin ces déconvenues avec Warden Cliff, ça a fait un peu de lui, de Tesla, un reclus. C'est pas pour ça qu'il s'est arrêté de travailler. Et en fait, en 1931 d'ailleurs, à l'occasion de son 75e anniversaire, donc c'est quelqu'un qui a vécu vieux, hein, il a vécu jusqu'en 1942, il y a une fête qui s'est tenue à laquelle il a reçu de grands témoignages de grands noms de la science. Comme Einstein, il ne voulait pas trop a priori, Lodge ou Millikan ou d'autres. Et en fait, comme Tesla il a bien aimé ça, chacune des années suivantes, il a organisé un événement un peu du même type. Pour lui, c'était surtout l'occasion d'annoncer de nouvelles découvertes. Donc là, il était vraiment dans un moment où il avait tourné la carte, quoi. Parce que, voilà, en 1931, il a prétendu avoir mis en place un moteur qui fonctionnait au rayonnement cosmique. En 1934, c'est là où il a parlé de son fameux rayon de la mort, où soi-disant il pouvait détruire 10 000 avions en vol à plus de 250 miles de distance. Donc vous voyez, quoi, c'est ce genre d'annonce que faisait Tesla, quoi. Apparemment, il y a un document qui a été retrouvé plus tard, qui semble valider, qu'il ait réfléchi effectivement à la question. Mais les analyses qui furent réalisées par ailleurs, notamment par un certain Trump, alors ça n'a rien à voir avec celui dont on entend beaucoup parler ces temps-ci, hein. Ce Trump en 1943, qui tend à dire que c'est un système qui n'était pas vraiment en fait à la hauteur des prétentions de Tesla. D'ailleurs, une histoire amusante, c'est qu'il semble avoir donné, en fait, en compensation d'une note de $400 dans un hôtel, une boîte qui, soi-disant, contenait un modèle de son arme. Donc lui en estimait la valeur à $10,000. Donc il aurait donné ça au gérant de l'hôtel où il résidait, tout en leur disant bien, il ne faut pas ouvrir la boîte sous peine d'explosion. Là, c'est un système très, très dangereux. En fait, a posteriori, il s'avère que Tesla s'était un peu moqué d'eux et que la boîte ne contenait rien d'autre que des pièces détachées utilisées pour la radio. Toujours est-il que certaines déclarations de Tesla de l'époque tendent à corroborer le fait qu'il était en contact avec des gouvernements concernant cette arme jusqu'en 1940. Donc il en aurait parlé aux Soviétiques, aux Américains, aux Anglais notamment. Mais il semble que rien n'atteste qu'un tel rayon ait été mis au point par quiconque. Je ne sais plus dans quel bio j'ai vu ça, mais notamment sur le fait que les Soviétiques auraient travaillé là-dessus. Au moment de lorsque le rideau de fer est tombé, il y a des Américains qui seraient allés voir soi-disant les installations, ils avaient fait ces développements-là. Et en fait, il y avait pas ça du tout, il y avait plutôt des installations qui cherchaient à mettre en place des armes nucléaires. Donc à partir de Tesla, donc j'ai dit qu'il était mort en 42, en fait je me suis trompé, il n'est pas mort en 42. Donc en fait à partir de 42, il a passé beaucoup de temps dans son lit. Donc entre une diète quasiment exclusive à base de lait et un accident qu'il eut en 1943, toute fin 42, tout début 43, sa mémoire flanchait complètement. Il a même voulu faire envoyer de l'argent à Mark Twain alors qu'il était mort 25 ans plus tôt. Et donc, il s'est éteint vraiment tout début 43, le 7 janvier, d'une attaque cardiaque. Et donc, à ce moment-là, en fait, il y a plein de témoignages qui sont arrivés de tous les coins du monde pour acclamer son inventivité et le rôle qu'il a joué dans l'établissement du courant alternatif dans le monde. Alors, j'ai une petite image pour vous montrer à quoi ressemblait Tesla à la fin de sa vie. Donc, sur l'image que vous allez voir apparaître dans la chatroom, on le voit notamment avec en fait, le roi en exil de Yougoslavie. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à la fin de sa vie, il était. Donc, la Yougoslavie était dirigée par Tito et donc le roi était en exil aux États-Unis. Donc, Tesla, c'est le gars au milieu. C'est le gars au milieu. Donc, après sa mort, ses papiers et une bonne partie de ses notes furent prises par le gouvernement américain. Alors, ils avaient un peu la trouille, hein, comme Tesla faisait plein d'annonces. Ils se sont dit, on sait jamais, on va les étudier pour voir si ces prétentions d'armes de fin du monde étaient vraies. Bon, apparemment, elles ont été quand même majoritairement rendues restituées à sa famille. On peut aujourd'hui les retrouver dans un musée qui a été établi à son honneur dans la ville de Belgrade. C'est notamment là où assez souvent les biographes se rendent pour arriver à trouver des documents de première main. Donc voilà, ça c'était sur la partie vraiment vie de Tesla. Je sais pas s'il y a des questions, parce qu'après c'est plus sur des mythes, un peu de débunkage de mythes sur Tesla. La meilleure partie, quoi. Ouais, la partie rigolote, ouais. Non, je crois pas qu'il y ait des questions avec ADPS en tout cas. Donc tu vas pouvoir continuer. De toute façon, c'était assez clair, hein, toute cette petite histoire. J'avoue que la photo de fin de vie de Tesla est assez flippante. Ouais, Mais un peu à la comme toutes les fin. photos de Tesla sont toujours très. Même quand il était jeune, il avait un visage assez caractéristique, enfin assez marquant, je trouve, qui aide bien à la légende, on va dire. Ouais. Mais je pense qu'en fait, il a quand même perdu beaucoup de poids à la fin, comme je disais. Il se nourrissait que de lait, il vivait dans son lit. Enfin, c'est. Tesla, quoi. Bon, tu débunkes? Ouais. Donc, avant de conclure, je vais prendre un peu de temps pour parler de quelques mythes qui peuvent exister de personnages. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai demandé aux membres des groupes Facebook Station des Sciences et Zététiques de me dire un peu les mythes qu'ils avaient en tête concernant Tesla. Donc, il y en a quelques-uns. Donc, en dehors de ceux dont j'ai déjà parlé, il y a notamment, par exemple, le fait que Tesla était un anarchiste à un moment de sa vie. Donc, alors, Mark Cipher, dans sa bio, il explique qu'il a été en contact avec des personnes pas très recommandables, notamment proches des idées nazies vers la fin de sa vie, après que sa tour de Warden Cliff fût tombée. Donc, voilà, il y a ces aspects un peu comme ça. Une autre chose qui pourrait tendre à penser que c'est un anarchiste, c'est le fait que, en fait, il voulait fournir gratuitement de l'énergie à toute la planète. Donc, son histoire de transmission d'énergie sans fil, c'était vraiment ça, quoi. Donc, ces histoires d'annonces un peu de transmission d'énergie sans fil gratuitement sur toute la planète, ça peut peut-être le faire rendre, on va dire, un peu un anarchiste, parce que finalement, voilà, tout le système capitaliste, à partir du moment où tu te mets à donner de l'énergie gratuitement, bon, ça devient quand même plus compliqué. Bon, c'est peut-être une idée à tout ça. Moi, je suis pas forcément convaincu là-dessus. Par contre, ce qui semble potentiel, on va dire probablement vrai, c'est qu'à force de dire ça lui a sans doute pas servi, dans le sens où des gens comme Morgan ou d'autres financiers de l'époque avaient aussi des intérêts dans les domaines de l'énergie, dans l'industrie lourde, etc. Donc, devant un mec qui dit non, non, mais filez-moi du fric pour que je construise un truc qui va tout donner gratuitement, ça devait pas trop leur plaire, quoi. Et donc, en fait, même au contraire, il a vraiment cherché, je pense, à s'introduire dans les milieux de la haute société. Enfin, à une certaine époque, il était très introduit là-dedans, et pour lui, c'était vraiment l'idée de pouvoir travailler avec la finance, de pouvoir vendre des choses, de construire des entreprises. Donc, finalement, pas ce qu'on entendrait aujourd'hui pour un anarchiste, quoi. Après, il y a le grand truc autour de Tesla, c'est l'énergie libre. Donc ça, vous avez sûrement dû tous entendre parler sur Internet ou les sites les plus New Age et complotistes et conspirationnistes du monde. Soi-disant, en fait, Tesla, c'était un grand chantre de l'énergie libre. Alors, une des premières prétentions, c'est qu'il pouvait extraire de l'énergie ionosphère. Donc en fait, autant dans l'auto-bio de Tesla que dans la bio de Carson, et même si vous regardez à un moment une des images que j'ai passées sur son histoire de pompe, etc., ou des illustrations qu'il a publiées dans des journaux, son idée en fait c'était plutôt de voir la Terre comme un conducteur chargé dont il pouvait extraire de l'énergie, et non pas de l'atmosphère, quoi. Il semble plutôt qu'il voyait la haute atmosphère comme un conducteur à travers lesquels il pouvait fermer un peu son circuit pour pouvoir transmettre de l'énergie à travers les courants de la Terre. Il y a une autre chose qu'on retrouve des fois par-ci par-là, c'est une voiture qui aurait fonctionné à l'énergie libre. Donc quand on regarde un peu, quand on cherche un peu, on se rend compte que oui, il y a des gens qui expliquent que soi-disant, une voiture de chez Pierce Arrow aurait fonctionné à l'énergie des rayons cosmiques et c'est surtout en fait un truc qu'un faux neveu de Tesla aurait raconté. Chose qui a priori a été démentie par en fait un vrai neveu de Nikola Tesla qui se serait exprimé à ce propos-là en disant que c'était pas du tout vrai et que ce fameux neveu de Tesla dont il était question et qui aurait relaté cette histoire en fait n'existait pas, quoi. Et donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette histoire, notamment il y a Goulu qui en parle dans un billet et il y a une page occupée sur la question. Donc comme je disais, en fait, Tesla, oui, il a parlé d'énergie gratuite. Ce qu'il y a, c'est que je pense qu'en fait, le terme free energy en anglais, en fait, est un peu problématique à cause du double sens qu'on peut mettre derrière énergie, en fait, free, pardon. Autant dans les logiciels libres, voilà, on parle de free comme donner gratuitement, enfin, et pas, enfin, dans le sens libre. Autant là, pour lui, c'était vraiment dans le sens gratuit. Et selon Cypher, comme je le disais avant, en fait, c'est un peu une des raisons pour lesquelles les investisseurs ne le suivirent pas dans ces voies-là, quoi. Donc voilà, l'énergie libre chez Tesla, c'est pas vrai. Un autre truc un peu démentiel qu'on retrouve, c'est des histoires de soucoupes volantes. Donc il y a des sites conspirationnistes qui expliquent qu'il aurait déposé un brevet pour une soucoupe volante et un brevet que la NSA aurait volé. C'est vrai que c'est possible que l'État américain, mettre au secret certains brevets, mais bon, quand on regarde les commentaires en fait qu'il existe sur divers sites, on se rend compte que entre les anachronismes sur l'usage du mot flying saucer qui est arrivé bien plus tard, ou de divers symboles, ou de sources pour justifier d'un éventuel dépôt, ça a quand même l'air d'être un bon gros délire quand même. Après, j'ai parlé un peu du film Le Prestige. Bon, pour ceux qui l'ont vu, c'est un film sur deux magiciens où est impliqué dans une partie du truc derrière un spectacle de magie, il y aurait Tesla. Donc c'est un film qui est sorti en 2006 de Christopher Nolan avec Christian Bale et Hugh Jackman. Et donc en fait, voilà, soi-disant Tesla à ce moment-là aurait inventé la téléportation. Bon, c'est du délire, hein, on est d'accord. Aucun des livres que j'ai pu lire n'ont avancé quoi que ce soit de ce genre. C'est vraiment juste une histoire romancée autour du personnage un peu délire de Tesla de l'époque, quoi. Après, il y a un truc dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est Tesla et les pigeons. Donc ça, c'est rigolo, c'est un truc qui revient souvent. C'est Tesla qui fait à fond les pigeons, il était amoureux d'un pigeon. Donc il y a un certain nombre de choses qui se disent autour de ça. En fait, il semble qu'apparemment, ça soit quand même relativement vrai. Donc là, c'est pas un mythe que je débunk, c'est en effet... c'est suffisamment établi pour que ça soit une constante dans toutes les bios que j'ai lues. Donc à la fin de sa vie, comme je disais, comme j'ai pu dire, il était assez reclus. Et je pense qu'il devait trouver dans les pigeons une certaine compagnie. Apparemment, il maintenait chez lui des grandes quantités de graines pour les pigeons. Il raconte avoir tissé une relation plutôt forte d'ailleurs avec l'un d'entre eux. Et il dit d'ailleurs que cette relation aurait été aussi forte que celle entre un homme et une femme. Voilà, on parle d'un pigeon, hein, on est d'accord. Il aurait adoré vivre à l'époque de Hatful Hat Boy, quoi, qui est un jeu de drague de pigeons. Je sais pas, mais c'est vraiment constant, cette histoire. Hein. Alors après, ça, c'est pas le pire. Pardon, qu'est-ce que t'appelles un jeu de drague de pigeons? J'attendais que tu réagisses, Robin. Bah, comme tu joues le rôle d'un pigeon et tu dois draguer un autre pigeon. En fait, je crois que c'est pas précisé si t'es un humain ou un pigeon, mais tu dragues des pigeons, ouais. D'accord. Donc le but, c'est de choper du pigeon, quoi. Grave. Autant pense que ça aurait préciser, pu, pas besoin de préciser que c'est un jeu japonais. Hein. Ouais, voilà. Alors, c'est pas le plus délire qu'il racontait autour des pigeons, hein, parce qu'en fait, justement, voilà, ce fameux pigeon avec qui il aurait eu une relation plutôt particulière, en fait, il raconte qu'un jour, en fait, le pigeon, soi-disant, est entré dans sa chambre d'hôtel et il a tout de suite su, Tesla a tout de suite su que le pigeon allait mourir. Et en fait, il serait venu voir Tesla pour voilà, le communier avec lui. Et Tesla raconte apparemment que deux rayons lumineux seraient sortis de ses yeux et l'auraient baigné d'une lumière. Donc voilà, à la fin de sa vie, Tesla, il était un peu barré. Alors un autre truc qui se raconte pas mal autour de Tesla, c'est qu'il aurait inventé le radar. C'est notamment un truc que Margaret Cheney dans sa bio ou Cawthorne aussi dans son bouquin tend à colporter comme idée. Parce que soi-disant, en 1917, il aurait décrit un système basé sur des ondes radio qui se réfléchiraient sur des sous-marins et qui pourraient, une fois revenus, afficher ces sous-marins sur un écran fluo. Outre que le fait que le radar ne fonctionne pas vraiment comme ça et que pour les sous-marins, on utilise plutôt un sonar, il semble en fait que les principes de base du radar et les premières mises en œuvre sont au moins plus anciennes de 10 ans. Et alors, ces auteurs-là, pour affirmer la paternité de Tesla sur le radar, mentionnent aussi le fait qu'un certain Girardot, donc c'est un Français, se serait inspiré de la voilà, déclaration de Tesla pour mettre au point un radar en 1935. Bon, ce qu'il faut voir, c'est que le radar, ça n'a pas juste été inventé à un seul endroit, mais il y a plein de recherches sur le sujet qui ont été entreprises entre les années 20 et 40, un peu en fait comme sur plein d'inventions finalement, c'est un peu des faisceaux, plusieurs personnes, c'est des idées qui étaient dans l'air du temps quoi. Donc en Angleterre notamment, aux États-Unis et en France. Et donc pour moi en fait Tesla, c'est pas du tout l'inventeur du radar. D'autant plus qu'en fait, il n'a pas déposé de brevet sur la question, ni construit de système qui aurait pu justifier cette affirmation. Alors après, il y a un autre truc que vous avez sûrement dû voir, c'est une page de The Oatmeal sur Tesla. Donc, je sais pas, toi, je crois que Nico, tu as dû en entendre parler de ce truc-là. Ouais, je crois. En fait, la personne qui est derrière The Oatmeal a publié il y a quelque temps une illustration dans un ton, certes humoristique, mais très groupie Tesla. Donc il lui crédite l'invention des rayons X, l'invention de la radio, etc. Donc perso, je suis pas super d'accord avec tout ce qui est dit. Alors, il y a des choses vraies, hein, mais il y en a d'autres peut-être un peu moins vraies. D'autant qu'apparemment, il semble quand même principalement basé sur la bio de Cheney, qui est quand même, selon moi, moins bien que celle de Carson. Donc voilà. Alors en fait, il y a eu une affaire autour de cette page de The Oatmeal, parce qu'il y a un journaliste de Forbes qui a fait un article en fait à propos de cette page pour un peu contrebalancer la vision donnée de Tesla par Oatmeal, mais aussi de contrebalancer la vision donnée d'Edison, parce qu'il y a un peu cette idée que dans cette page là de The Oatmeal que voilà, Edison il était pas gentil, blablabla. Mais en fait ça s'est pas arrêté là, parce que l'auteur derrière The Oatmeal, il a fait une réponse à Forbes en argumentant, etc. En fait, j'ai surtout l'impression que le mec derrière The Oatmeal, c'est quelqu'un qui est une groupie un peu de Tesla, que le mec de Forbes a cherché de contrebalancer. Et donc, en fait, voilà, chacun souhaitait un peu pousser les choses dans un sens ou dans l'autre. Et en fait, pourquoi j'ai parlé de cette page-là en dernier, c'est parce que ça amène un peu la problématique des bio et des autobios. En fait, pas forcément pour faire ce dossier, mais pour... Pour avoir une idée un peu précise sur Tesla, j'ai lu pratiquement une dizaine de bouquins, alors pas tous sur lui, mais quand même en majeure partie. On peut se demander voilà, pourquoi est-ce que je me casse la gnognotte à faire ça. En fait, le truc, c'est que concernant Tesla, vous l'avez peut-être un peu compris à travers ces deux dossiers, il y a quand même beaucoup de disparités entre les auteurs pour ne se limiter qu'à un seul. En fait, sans parler des histoires délirantes qu'on peut retrouver un peu partout sur Internet et qui sont souvent reprises en réelle vérification. Donc vous avez trouvé d'ailleurs plein de vidéos de YouTubeurs qui vous parlent de Tesla. Et en fait, les seules sources qu'ils vont avoir, c'est des fois voilà, la page Wikipédia si vous avez de la chance, ou alors des sites que vous trouverez de groupies de Tesla qui vont lui associer un peu tout et n'importe quoi. John O'Neill par exemple, qui est la deuxième personne à avoir rédigé une bio de Tesla en 43, mais pas le premier après sa mort, c'était un grand admirateur. Il l'a connu de son vivant et on pourrait se dire qu'il serait possible pour lui d'avoir des informations de première main pour son livre. Mais en fait, en se basant finalement principalement sur ce que Tesla a pu lui raconter, c'est un livre qui est extrêmement partial. Et l'auteur cherche quand même pas mal à glorifier l'inventeur pour dire à quel point c'est vrai. Il parle quand même de Superman à son propos tout le long du livre. faut voir en fait quel est un peu le niveau de vérité qu'il a cherché à établir quand même. Et avant la sortie de la bio de Carson, qui pour moi est un peu la meilleure, et d'ailleurs pas que pour moi, parce qu'en fait, un certain Richard Taillet, pour ceux qui connaissent, avait fait deux choses. Donc il avait fait une vidéo, je me souviens plus, elle doit être dans les références, une vidéo sur Tesla. Et aussi, il a fait trois billets sur son blog sur la plateforme Silog. Pour lui, typiquement, la bio de Carlson, c'est sûrement la meilleure après celle de Cypher. La bio, en fait, la plus en vogue pendant pas mal de temps, en fait, ça a été celle de Margaret Cheney. Et il me semble qu'elle est quand même aussi dans cet esprit un peu groupie et un tantinet impartial. Elle va quand même jusqu'à dire que Tesla serait à l'origine du principe du synchrotron, par exemple, ou de choses comme ça, quoi. Et un peu cette propension à vouloir un peu voir dans certaines inventions de Tesla les prémices d'autres inventions intervenues plus tard, voilà, ça m'a un peu mis mal à l'aise personnellement. Avant celle de Cheney, comme j'ai dit, c'est celle de Cypher qui faisait référence. Alors son avantage, c'est d'être très riche en témoignages, et donc de sa correspondance avec des personnes de son temps. Le problème, c'est que celle de Cypher, en fait, elle n'est pas top côté technique. C'est pas quelqu'un qui a l'air d'avoir un background technologique, scientifique très important, parce qu'il raconte même des choses assez fausses sur son site concernant l'opposition entre Einstein et Tesla, en disant que, soi-disant, la théorie d'Einstein, en fait, elle n'est pas aussi bien que ça, etc., etc. Pour moi, c'est là où celle de Carson elle est intéressante, parce que techniquement, elle est précise, et historiquement, elle est très sourcée. C'est un académique de l'histoire des sciences et de l'innovation technique. Il a priori les connaissances nécessaires pour comprendre, à côté des aspects techniques, tout le contexte dans lesquels les inventions de Tesla sont apparues. Alors, je suis pas là pour vous vendre sa bio, hein, je touche pas du fric si vous l'achetez, mais il me semble que c'est celle qui est peut-être la plus intéressante si vous avez envie de lire quelque chose à propos de Tesla. Tout ça pour dire que si vous voulez vous renseigner sur un sujet, c'est quand même mieux de lire plusieurs sources différentes, si possible contradictoires. J'ai lu, en plus de bouquins sur Tesla, des bouquins sur Edison pour un peu comprendre un peu cette opposition entre les deux, dont un qui n'était pas pro-Edison, et en fait on découvre dans ces bouquins le peu d'importance que Tesla avait pour Edison. Il est cité une fois dans les deux bouquins, quoi. Donc pour conclure, Tesla, c'est un homme dont la vie fut inscrite dans une histoire de l'industrie de l'électricité au tournant du 19e et du 20e siècle. Il a participé à la construction de cette industrie, mais en fait l'histoire retient finalement relativement peu de son passage et de ses inventions. Ça enlève rien à sa découverte du champ magnétique tournant et à sa conséquence que fut le principe du moteur à courant alternatif qu'on retrouve de partout. Nikola Tesla, c'est aussi un showman. Ça a été un inventeur qui a poursuivi peut-être des idées, peut-être trop longtemps, des idées non établies en se basant sur des analogies et en voulant peut-être ne voir que les éléments qui allaient dans son sens et peut-être pas tous ceux qui prouvaient que c'était du flan, quoi. J'espère en tout cas qu'à travers ce dossier vous avez découvert une version peut-être moins romantique et moins fantasmée de Tesla, et que ça vous aura donné les informations pour réfuter certains mythes qui existent à son propos. Bah écoute, merci beaucoup, ouais, c'était hyper complet, hyper intéressant, je dois dire. Ça manquait un peu sur Podcast Science, mais là ce que tu nous expliques aussi, c'est qu'il va falloir nous faire Edison maintenant, quoi. J'ai lu deux bouquins et demi sur lui. Donc il en reste 6-7 à lire, et puis ce sera après potable. Ouais, mais c'est moins délire quand même ce qu'il a raconté sur Edison. Edison, pour les Américains, c'est la figure du mec qui est le self-made man, l'entrepreneur du siècle, l'inventeur du siècle. Bon, il a quand même inventé beaucoup de conneries, beaucoup de trucs qui n'ont pas marché, et il a pris plein de décisions pourries aussi, donc c'est intéressant aussi, je pense, Edison, comme mec à étudier. Ok. J'ai pas vu de questions passer précisément dans la chatroom plus que ça, donc je pense qu'on va pouvoir enchaîner. Avant de passer à la côte, on a un petit pitch. Je crois qu'il y a Robin qui nous a rejoint pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, je sais plus si c'est la dernière émission, dernière, je crois qu'il y en a encore une après. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la dernière énorme émission avec des invités de marque de la saison. Que j'ai potentiellement proposé, on verra bien si c'est jouable, une émission avec encore un invité de marque la semaine d'après. Ah ouais, d'accord. Bon, en tout cas, on a vraiment deux super invités la semaine prochaine. Oui. Une émission qui s'annonce passionnante. C'est des sujets qui sont extrêmement d'actualité, mais on reçoit pas vraiment des gens qui. Après, je vais laisser Robin faire le pitch, mais on reçoit, pour vous teaser, on reçoit pas spécialement des gens que vous voyez tous les jours dans l'actualité, c'est-à-dire des entrepreneurs américains sur le sujet qui est l'informatique, le travail, etc. Mais plutôt des gens qu'on va être très content de nous entendre parce qu'on les connaît déjà et qu'on espère que vous allez beaucoup apprécier. Robin, je te laisse nous en dire plus. On a tous conscience que l'informatique, le web et Internet, qui ne sont pas la même chose, si vous ne le savez pas, c'est mal. Les mobiles, les moteurs de recherche et autres réseaux sociaux ont déjà beaucoup changé notre vie et vont encore énormément la changer dans les années à venir. La changer, mais comment ? Est-ce qu'il y a des risques à venir ? Quel choix faire dès maintenant pour anticiper ces changements ? Pour répondre à toutes ces questions et à tant d'autres, nous recevons les personnes les plus qualifiées pour y répondre, deux informaticiens qui se posent des questions d'éthique. Si, ça existe. Donc Gilles Doeck et Serge Abitboul, qui sont chercheurs en informatique, viendront nous parler de ces questions qu'ils abordent dans un livre à paraître bientôt. Alors pour vous motiver, je vais en rajouter une couche par rapport à ce que vient de dire Nico. Je vais parler de Gilles Doeck, qui est celui des deux que je connais. Sans parler de sa carrière, qui est quand même assez... Ça va. Il m'a dit, quand je lui ai demandé si je pouvais le présenter, tu t'arranges pour qu'on n'ait pas l'impression que je suis déjà mort. Donc voilà, je ne vais pas parler de sa carrière. Je pense que c'est un parfait résumé, en fait, de sa carrière. C'est quelqu'un qui, en plus de donc faire vraiment une carrière, une vraie carrière de chercheur en informatique importante, se préoccupe énormément de vulgariser son domaine. C'est quelque chose qui lui tient beaucoup à cœur, qu'il fait beaucoup et qu'il fait bien à mon goût, très bien à mon goût, et qui a même osé aller affronter les ministères pour que l'informatique entre dans l'enseignement de tous. Par ailleurs, juste pour résumer, je le dis tant qu'il n'est pas là, après sinon il va être gêné, tout ça, que je parle tant que ça de lui en bien, mais c'est vraiment vrai. On peut être d'accord ou pas avec ses positions, mais à chaque fois que je l'ai entendu, je me suis senti beaucoup moins con après qu'avant. Et donc, je suis ravi de vous faire ressentir ça bientôt. Ouais, et par rapport à son parcours et palmarès, je vais peut-être juste dire une chose, c'est que... Donc, il n'est pas là, vas-y. Voilà, il a quand même quelque chose moi, que je trouve tout à fait remarquable. Autant, je ne suis pas très attiré par les prix, les reconnaissances, tout, mais ça, je dois dire que ça me... plairait bien, je trouve ça assez panache. Il a réussi à avoir le prix de l'Académie française, si je ne m'abuse, pour un livre qui parle d'informatique. Ah, je en philosophie. Je crois que c'est les métamorphoses du calcul, et il me semble qu'il a eu le prix de l'Académie en philosophie, en fait. En tout cas, déjà, en attendant la semaine prochaine, pour ceux qui trouvent un tout petit peu de temps ou prenez le temps d'aller de taper son nom, Gilles Doeck, et de regarder, il y a plein de vidéos en ligne, il y a plein de bouquins, d'articles en ligne, et c'est vraiment quelqu'un qui met tout à plat, voilà, qui rend tout très clair. Le grand prix de philosophie de l'Académie française pour les métamorphoses du calcul, donc un bouquin qui parle de maths, de un peu pas de Gödel, parce que je crois qu'il est plus porté sur la... Alors c'est là où Gilles Doeck est quelqu'un qui est passionnant, mais souvent qui a des avis clairs. Donc ce qui moi j'aime beaucoup entendre des gens comme ça, parce que souvent on n'est pas d'accord, mais au moins on réfléchit. Donc c'est assez agréable. Et donc il parle plus souvent de, je sais plus, je crois qu'on appelle ça la thèse de Church, qui est pas très loin des idées dont on parlait, de calculabilité, de Gödel, de tout ça. Et donc c'est avec ce type de bouquin là qu'il a eu le grand prix de philosophie de l'Académie française. Je dois dire, c'est assez panache, quoi. Et comme tu le dis, effectivement, il a des avis assez marqués, assez clairs. Et mais il le dit, c'est-à-dire que je l'ai déjà entendu plusieurs fois dire dans ses conférences, bon écoutez, dans la conférence il y a une fois où je vais parler d'un théorème, donc là n'essayez pas de discuter, ça s'appelle un théorème, ça y est, c'est bon, c'est fait. Sur tout le reste, c'est ma position, vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord. Ouais, et je pense aussi que c'est un peu sa façon de communiquer, comme tu dis, c'est pour faire réagir les gens. Exactement, exactement. Et après, sur l'autre personnage dont on a très peu parlé, moi aussi je le connais très peu, mais j'ai... Je le connais pas. Voilà, moi je le connais pas, j'ai juste aperçu une chose, parce qu'à un moment je cherchais des références sur la base de données, etc. L'intégralité du monde ne parle que d'un bouquin en base de données qui s'appelle Foundation of Database, avec sur la couverture d'Alice au Pays des Merveilles, donc les gens appellent ça aussi The Alice Book of Database ou quelque chose comme ça, et il a participé à son écriture, donc c'est quelqu'un qui s'y connaît en informatique. Non, a priori. Je suis pas inquiet sur le... Voilà. Donc on reçoit vraiment deux invités qui sont passionnants et compétents, donc voilà, on est ravis, on espère qu'on va avoir des questions à la hauteur, c'est un peu de notre côté qu'on va... qu'il va falloir... Ça met un peu la pression. Mais cela dit, ça met moyen la pression. Mais je pense que ça va être une belle ouverture, pas sur la relativité cette saison-là, mais pour réfléchir pendant l'été, quoi. Pour la petite histoire, juste là où je ne suis pas très inquiet, c'est que j'ai fait participer Gilles Doeck à une formation que j'ai organisée au Palais de la Découverte pour des profs. Et je lui ai dit, ah bah tiens, si tu pouvais parler de ça, ah bah peut-être aussi un peu ça serait intéressant. Et puis... Ouais, bon, bah ça c'est peut-être pas complètement lié, mais si tu pouvais parler de ça. Bon, et puis donc, alors faudrait prendre 50 minutes, parce qu'après ce serait bien d'avoir un petit temps pour la discussion. Bon, enfin, tu choisis parmi ces sujets, parce que ça fait trop, voilà. Et le jour même, il a abordé exactement tous les points que je lui avais demandé d'aborder, et il a terminé, je crois, avec une minute de retard. Donc, je suis relativement confiant. Toujours pour l'anecdote sur le côté pédagogique, comme ça on arrêtera après. Moi, j'ai découvert l'informatique avec lui, c'était un de mes profs, et je dois dire en effet que c'était limpide, quoi. Bon. On se lâche cette semaine, quand il sera là, il faudra en faire un petit peu moins. On en dira plus. Ouais, il faudra en faire un peu moins. Gilles Devecq, en fait, il a aussi écrit un bouquin sur la logique aux éditions Le Pommier, un petit livre. Tout donc, à fait. Qui est pas mal. Et en fait, je le croise depuis 2 jours, parce que c'est un gars qui bosse à l'INRIA. Et je suis avec tous mes collègues de l'INRIA, là, et donc je le croise depuis 2 jours. Mais écoute, c'est la classe. J'hésite à aller le voir en mode groupie pour lui faire signer un autographe, limite. Quoi. Non, parce qu'en plus, c'est pas le type. C'est vraiment pas le genre, mais... Non, mais vous allez voir, cool. Vraiment par contre, intéressant. Tu peux lui dire bonjour et dire que tu fais partie de podcast, ça lui fera une piqûre de rappel. Et puis c'est... Moi, je suis très curieux en plus d'entendre ce type de personnes sur ces sujets, parce que c'est vrai que je vous disais en introduction de ce qu'allait dire Robin, que c'est des sujets où on entend beaucoup des entrepreneurs américains. Et on entend beaucoup moins des gens comme des gens de l'INRIA, des gens qui représentent la recherche française en informatique. Et donc, je pense que ça va être des regards assez différents de ce qu'on peut entendre. Les gens qui disent, il faut, l'intelligence artificielle va tous nous tuer, comme disait, comment il s'appelle, Hawking, ou on va tous perdre notre boulot, ou machin. Enfin, je pense qu'ils vont sans doute avoir un discours intermédiaire, sachant qu'on ne le connaît pas à l'avance, donc on verra. C'était ce matin, en fait, justement, là où je suis, il y avait pas mal de présentations sur cet après-midi sur le transhumanisme. Il y avait même quelqu'un qui disait le sujet de présentation, c'était le robot a-t-il tué le transhumanisme. Donc c'était pas mal autour de ces sujets-là. Et en effet, c'est pas ce que, comme tu dis, c'est assez peu fataliste, quoi. Et ce que je trouve intéressant en plus avec, encore une fois, je ne connais pas Serge Abitboul, mais avec Gilles Devecq, qui est quelqu'un qui est vraiment un chercheur, mais qui est vraiment très présent dans la société. C'est-à-dire qu'effectivement, non seulement il se préoccupe de l'enseignement, il s'est battu pour que l'enseignement et l'informatique soient introduits et tout, mais en plus, régulièrement, il va dans des classes, il essaye des trucs, et il voit si ça marche ou si ça marche pas, et il va sur le terrain, et il n'est pas dans sa tour d'ivoire du tout, quoi. C'est quelqu'un qui va vraiment sur le terrain. Et donc, quand il réfléchit à ces questions-là, je pense qu'il a discuté avec des gens qui peuvent avoir des points de vue un peu complémentaires. Et je pense qu'il n'est pas dans des délires de théoricien pur. Non, c'est ça. Et en même temps, voilà. Donc, je pense que, bref, ça va être. Bon, ça va je être pense que ça sera intéressant. Si avec tout ça, les gens qui ne sont pas dans la chatroom cette semaine ratent la semaine prochaine, franchement. Voilà. Sur ce, on passe à la quote. Donc j'ai une quote en anglais, mais en fait je l'ai pas en français, alors je vais m'empresser de la traduire. Donc c'est une quote de Nikola Tesla, hein, parce qu'il a dit beaucoup de choses, donc autant s'en servir. Alors en anglais c'est « We crave for new sensations, but soon become indifferent to them. The wonders of yesterday are today common occurrences. » Donc nous éprouvons une grande envie de nouvelles. De nouvelles sensations, mais rapidement nous devenons assez indifférents. Les miracles d'hier sont aujourd'hui des choses fréquentes. Tout ça pour dire que tout ce qui était nouveau à l'époque, typiquement ce qu'ils faisaient dans ces shows avec la fée électricité, etc., etc., bah aujourd'hui c'est devenu des choses qu'on voit dans des musées ou qui sont tellement habituelles, enfin le courant alternatif typiquement, que ça sort des prises et qu'on se rend même plus compte de quoi il s'agit et d'où ça vient, quoi. Voilà, voilà. Ok. Ouais, c'est... On est encore... Il disait ça à l'époque, je crois que ça a un peu empiré, quoi. Finalement. Bon, bah écoutez les amis, si vous n'avez plus rien d'autre à dire, je crois que la chatroom s'est éclatée sur tout l'annexe de Tesla dont tu n'as pas du tout parlé, les jeux vidéo, l'iconographie, bref, voilà, donc je pense qu'on peut juste te remercier, et puis on peut conclure, à moins que Robin ait des choses à rajouter sur Gilles Devecq et Serge Abitboul. Non, ça va peut-être aller là. Ok, écoutez, maintenant vous savez tout sur Tesla, vous pouvez aller répandre la nouvelle sur les internets, et puis nous laisser des commentaires, des messages, on adore toujours ça. Il y a même des gens qui s'excusent à nous envoyer des messages trop longs, mais on adore ça en vrai. Oui, non, c'est juste que ça donne encore moins de temps pour travailler dans la journée, mais c'est ça, mais ça donne le sourire. Donc voilà, n'hésitez pas à nous envoyer ça sur SoundCloud, Twitter, Facebook, podcastscience.fm, bref, tout l'internet mondial. Nous, on se retrouve donc la semaine prochaine avec deux invités de marque pour parler de l'informatique et est-ce qu'elle va tous nous mettre au chômage et plus si affinité. Et puis d'ici là, finalement, que servir la science soit votre joie.